Chapitre 15. La laitière et le pot au lait. Après le départ de son oncle, Madame Papowski se sentit saisie d'une joie folle. « Ils sont bien réellement partis, » se disait-elle. « Je reste souveraine maîtresse de Gromyline et de toutes les terres de mon oncle. Je tirerai le plus d'argent possible de ces misérables paysans, paresseux et ivrognes, et de ces coquins d'intendants, voleurs et menteurs. J'ai 60 000 roubles de revenus à moi, mais 600 000, voilà une fortune qui m'aidera à augmenter la mienne. D'abord, j'enverrai le moins d'argent possible à mon oncle, s'il m'en demande. Peut-être pas du tout, puisqu'il m'a dit qu'il avait gardé des capitaux pour ses favoris d'Abrovine et d'Erigny. Je ferai fouetter tous les paysans pour leur faire augmenter leur abroc de 10 roubles à 100 roubles. La broque est une redevance ou un fermage que payent les paysans quand on leur abandonne la culture des terres. Je vendrai tous les Dvarovoy, les hommes, les femmes, les enfants. Mon oncle en a des quantités. Je les vendrai tous, excepté peut-être quelques enfants que je garderai pour amuser les miens. Il faut bien que mes garçons apprennent à fouetter eux-mêmes leurs gens. Ces enfants serviront à cela. Quand on fait fouetter, on est si souvent trompé. Entre amis et parents, ils se ménagent. Vous croyez notre homme puni? Pas du tout, à peine s'il a la peau rouge. C'est mon mari qui savait faire fouetter. Quand il s'y mettait, le fouetté sortait d'entre ses mains comme une écrevisse. Mon oncle gâtait ses gens. Il faut que je remette tout cela en ordre. Ce Vassili, il se repentira de n'avoir pas obéi à mes volontés en cachette de mon oncle. Commençons par lui. Vassili? Vassili? Où est-il? Machka, va me chercher cet animal de Vassili, qui ne vient pas quand je l'appelle. » La pauvre fille courut à toutes jambes chercher Vassili et revint, tremblante, dire à sa maîtresse que Vassili était sorti et qu'on ne le retrouvait pas. Les yeux de Madame Papowski flamboyaient. « Sorti? Sorti sans ma permission? Mais c'est impossible! Tu es une sotte, tu as mal cherché! Cours vite, et si tu ne me le ramènes pas, prends garde à ta peau !» La malheureuse Machka courut encore de tous côtés, et, n'osant revenir seule, elle ramena Nikita, le maître d'hôtel. « Nikita, Vassili est sorti, Maria Petrovna. »« Comment a-t-il osé ?»« Il est allé à la ville pour chercher une place. » Madame Papowski resta muette de surprise et de colère. Le maître d'hôtel continua, en la regardant avec une joie malicieuse. Monsieur le comte, nous ayant donné liberté à tous, nous tâchons de nous pourvoir à Smolensk. Moi, je compte aller à Moscou, ainsi que les cochers et les laquais, d'après les ordres de monsieur le général Negrinski qui veut nous avoir. Madame Papowski. La liberté? Mon oncle, sans rien me dire? Mais vous êtes fou, c'est impossible! Vous ne savez donc pas que c'est moi qui suis votre maîtresse, que j'ai tout pouvoir sur vous, que je peux vous faire fouetter à mort? Nikita. Monsieur le comte nous a donné la liberté, Maria Petrovna. Personne n'a de droit sur nous que notre père l'empereur, le gouverneur et le capitaine Ispravnik. La colère de Madame Papowski redoublait. Elle ne voyait aucun moyen de se faire obéir. Nikita sortit, Machka s'esquiva. Madame Papowski resta seule à ruminer son désappointement. Elle finit par se consoler à moitié en songeant à la broque de 100 roubles par tête qu'elle ferait payer à ses 6 000 paysans de Gromyline et tous les paysans de ses autres propriétés nouvelles. On lui prépara son déjeuner comme à l'ordinaire. Quoique mécontente de tout et tout le monde, elle n'osa pas le témoigner, de peur que les cuisiniers ne fissent comme les autres domestiques et qu'elle ne trouvât plus personne pour la servir. Les enfants portèrent le poids de sa colère. Elle tira les cheveux, les oreilles des plus petits, donna des soufflets, des coups d'ongle aux plus grands, les gronda tous, sans oublier les bonnes, qui eurent aussi leur part des arguments frappants de leur maîtresse. Ainsi se paya le premier jour de son entrée en possession de Gromyline et de ses dépendances. Les jours suivants, elle se promena dans ses bois, dans ses prés, dans ses champs, en admira la beauté et l'étendue, marqua, dans sa pensée, les arbres qu'elle voulait vendre et couper. parcourut les villages, parla aux paysans avec une dureté qui les fit frémir et qui leur fit regretter d'autant plus leur ancien maître. Le bruit de la donation de Gromyline à Madame Papowski s'était répandu et avait jeté la consternation dans tous les esprits et le désespoir dans tous les cœurs. Elle leur disait à tous que la broque serait décuplée, qu'elle ne serait pas si bête que son oncle qui laissait ses paysans s'enrichir à ses dépens. Quelques-uns osèrent lui faire quelques représentations ou quelques sollicitations. Ceux-là furent désignés pour être fouettés le lendemain. Mais quand ils arrivèrent dans la salle de punition, leur tsarost, qui les avait accompagnés, produisit un papier qu'il avait reçu du capitaine Ispravnik et qui contenait la défense absolue faite à Madame Papowski d'employer aucune punition corporelle contre les paysans du général comte d'Ourakine, ni fouet, ni bâton, ni cachot, ni privation de boissons et de nourriture, ni, enfin, aucune torture corporelle, sous peine d'annuler tout ce que le comte avait concédé à sa nièce. Madame Papowski, qui était présente avec ses trois aînés pour assister aux exécutions, poussa un cri de rage, se jeta sur le tsarost pour arracher et mettre en pièces ce papier maudit. Mais le tsarost l'avait prestement passé à son voisin, qui l'avait donné à un autre, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le papier eût disparu et fût devenu introuvable. Maria Petrovna, dit le tsarost avec un sourire fin et rusé. L'acte signé de monsieur le comte est entre les mains du capitaine Ispravnik. Il ne m'a envoyé qu'une copie. Le tsarost sortit après s'être incliné jusqu'à terre. Les paysans firent autant, et tous allèrent au cabaret boire à la santé de leur bon monsieur le comte, de leur excellent maître. Madame Papowski resta seule avec ses enfants, qui, effrayés de la colère contenue de leur mère, auraient bien voulu s'échapper. Mais le moindre bruit pouvait attirer sur leur tête et sur leurs épaules l'orage qui n'avait pu encore éclater. Ils s'étaient éloignés jusqu'au bout de la salle et s'étaient approchés de la porte pour pouvoir s'élancer dehors au premier signal. Une dispute s'éleva entre eux à qui serait le mieux placé la main sur la serrure. Le bruit de leur chuchotement amena le danger qu'ils redoutaient. Madame Papowski se retourna, vit leur visage terrifié, devina le sujet de leur querelle et, saisissant le plaid, le fouet, destiné à faire sentir aux malheureux paysans le joug de leur nouveau maître, elle courut à eux et eut le temps de distribuer quelques coups de ce redoutable fouet avant que leurs mains tremblantes eussent pu ouvrir la porte et que leurs jambes, affaiblies par la terreur, les eussent portées assez loin pour fatiguer la poursuite de leur mère. Madame Papowski s'arrêta, haletante de colère, laissa tomber le fouet et réfléchit aux moyens de s'affranchir de la défense de son oncle. Après un temps assez considérable passé dans d'inutiles colères et des révolutions impossibles à effectuer, elle se décida à aller à Smolensk, à voir le capitaine Ispravnik et à chercher à le corrompre en lui offrant des sommes considérables pour déchirer les actes par lesquels le comte d'Ourakine donnait la liberté à ses gens et défendait à sa nièce d'infliger aucune punition corporelle à ses paysans, ce qui serait un obstacle à l'augmentation de la broque, etc. Elle rentra au château, assez calme en apparence, ne s'occupa plus de ses enfants et ordonna au cocher d'atteler 4 chevaux à la petite calèche de son oncle. Une heure après, elle roulait sur la route de Smolensk au grand galop des chevaux.